fleur de plume sous un ciel de plomb. Elle te suivrait pour de bon. Cette danse, cette chanson, cette simple mélodie, car c'est la danse d'espoir. Quelquefois, t'es le chien fidèle. Paraissait éternel. Quelquefois tu jouais sur cette simple mélodie, car c'est la danse d'espoir. S'est fanée, tu n'es plus au rendez-vous pour jouer cette danse, cette chanson, cette simple mélodie, car c'est la danse d'espoir. Elle te suit, oh, là où tu vas. Et hey, Jim, soleil, soleil, oh ami, elle te va. Cette simple mélodie, car c'est la danse. Soleil, soleil.